إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours 72 maintenant et puis on est encore au chapitre 22 dans l'explication des limites du tawhid et comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a protégé les tawhid et comment il a fermé toutes les voies qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk. Donc on a expliqué jusqu'à maintenant les deux phrases du hadith qu'on a lu depuis les deux ou trois derniers cours. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Donc ça c'est le hadith et là on va maintenant lire la troisième phrase de ce hadith et l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là. Le Cheikh il dit الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دونك اللهم صل على محمد. دونك الشيخ الذي أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء كما ذكر الإمام البخاري عن أبي العالية. وقوله صلوا علي، وعليكم السلام ورحمة الله، وقوله صلوا علي هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومؤكدة وتجب في بعض المواضع. Donc on va expliquer ce passage. Le Cheikh il dit que la troisième phrase de ce hadith dit « Et envoyez la salat sur moi, car les doigts que vous faites, ils m'atteignent, yani, peu importe où je suis. » C'est-à-dire si on envoie le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça l'atteint peu importe d'où on le fait. Et qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit que ça c'est un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet ordre-là il est aussi mentionné dans le Coran, dans Surat al-Ahzab verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que lui-même ainsi que ses anges, hein, ils envoient la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, envoyez sur lui vos bénédictions et votre salat, c'est-à-dire faites des doigts pour lui et envoyez sur lui le salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'envoyer as-salat wa salam sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la paix sur le messager. Et ainsi que les anges également, les anges aussi. Et le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie maintenant. As-salat min Allah, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala yusalli ala nabi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il glorifie ou il parle en bien de son serviteur en présence des anges qui sont près de lui, hein, et donc il le mentionne en bien, fil mala'il a'la. As-salatu min al-mala'ika, quand on dit que les anges font as-salat, c'est-à-dire ils envoient as-salat sur le prophète, ça veut dire qu'ils demandent pardon pour le prophète. Ça veut dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner le prophète. Et as-salatu min al-adamiyyin ad-du'a, quand les êtres humains font as-salat ala nabi, ça veut dire qu'ils font des du'as pour le prophète. Hein? Ça veut dire qu'ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir le prophète et d'envoyer sur lui le salam et ainsi de suite. Et donc ici il faut bien distinguer entre le fait d'envoyer la salat sur le prophète et non pas de prier au prophète. Parce qu'il y en a qui ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. De prier au prophète, ça c'est shirk, mais d'envoyer les bénédictions et de prier sur le prophète, ça c'est quelque chose qui fait partie des bonnes actions. Parce qu'on n'a pas le droit d'adorer personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'explication au sujet de ce qu'on a mentionné. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu al-Aliya. Après le cheikh il dit, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Sallu alayya » envoyez sur moi votre salut, votre bénédiction, votre dua, ça c'est un ordre, c'est un verbe impératif qui implique un ordre, un commandement. فالصلاة على النبي مشروعة ومؤكدة. Donc ça fait partie de la charia, c'est quelque chose qui est confirmé dans la charia et c'est obligatoire dans certains moments spécifiques et dans certaines circonstances bien spécifiques. الشيخ dit فتجب في الخطبتين للجمعة والعيد وخطبة الاستسقاء وتجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة وكذلك تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم وتستحب في بقية الأحوال كلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. Donc le cheikh il dit que les moments et les endroits où c'est ordonné de envoyer le salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans certains moments spécifiques comme par exemple durant les deux khutbahs de Jumu'ah ou de l'Eid ou la khutbah de la prière de Al-Istisqa quand on fait la demande de la pluie ou dans le dernier tashahhud, hein, on fait الصلاه الابراهيميه في ونوال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Donc ça c'est un exemple de forme de salat qu'on fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Ibrahim et ceux qui les ont suivis. Il dit aussi le cheikh que on doit également faire la salat envoyer la salat sur le prophète lorsqu'on mentionne son nom. On dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans différents moments aussi, c'est recommandé de le faire. Et plus une personne envoie le as-salat et as-salam sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien plus qu'il a des récompenses pour faire ça. Plus qu'il a des récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui envoie la salam et as-salat et as-salam sur moi, une fois, Allah lui envoie, il le fait pour lui pour 10 fois. Donc c'est multiplié par 10. Donc plus on le fait, plus on reçoit des bénédictions nous-mêmes aussi et on augmente nos récompenses. Le chef il dit ensuite, وَقَوْلُهُ إِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَكَّلَ بِصَلَاتِ الْمُصَلِّينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ يُبَلِّغْ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِيَّاهَا وهو في قبره صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنها تبلغه الصلاة عليه في قبره صلى الله عليه وسلم وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله. Le cheikh dit aussi que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que lorsque vous faites, lorsque vous envoyez as-salat et as-salam sur moi, elle va m'atteindre peu importe d'où vous l'envoyez. Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné ou il a chargé certains anges pour transmettre les invocations et les bénédictions qu'on envoie sur le prophète. As-salat wa salam, quand on dit ça, il y a un ange qui le transmet au prophète. Et elle lui arrive jusque dans sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Donc peu importe de quel endroit tu le dis, ça va lui arriver, ça va l'atteindre. Même si tu es en Orient ou en Occident, ça va l'atteindre. Et ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est des choses qui ont rapport avec un autre monde, le monde du barzakh, hein, le monde entre notre vie et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier, et c'est un barzakh, et ça fait partie du raid que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc on ne peut pas essayer d'imaginer comment ça se passe, et comment ça fonctionne. Le cheikh dit, فَقَوْلُهُ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فِي بَرٍ أَوْ بَحْرٍ أو في بحر قريبين أو بعيدين في المشرق أو المغرب. Dit peu importe où vous soyez, votre salat que vous envoyez sur moi, elle va m'atteindre. Que vous soyez proche ou loin, que vous soyez sur la terre sur la mer, ou que vous soyez en Occident ou en Orient, si vous envoyez le salam et la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la paix et le salut sur lui, et bien ça va être transmis jusqu'à lui. الشيخ يقول ensuite وهذا الحديث وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه ولكن إذا قصد قبره للسلام عليه ويصلي عليه فهذا مشروع فتسلم وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره إذا قدمت من سفر أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه دائما فهذا غير مشروع لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. Le cheikh dit que dans ce hadith il y a une preuve qu'il n'y a pas de particularité au fait d'envoyer le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam particulièrement à sa tombe. Parce que peu importe où tu es, il sera transmis. Donc même si tu es proche de sa tombe ou loin, ça va être transmis quand même. Donc il n'y a pas de raison de vouloir aller spécifiquement à cet endroit-là pour envoyer le salam. Et ça même que c'est interdit de faire un voyage ou d'aller là-bas spécifiquement pour aller faire ça. Le cheikh a dit toutefois, ولكن إذا قصر قبره للسلام عليه. Si par exemple tu reviens d'un voyage, puis tu arrives à Médine, tu es à Médine, tu reviens d'un voyage, c'est-à-dire tu étais allé à l'extérieur de Médine, là tu reviens et tu passes devant la tombe, tu envoies le salat au salam, le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est permis. Mais en d'autres cas, de partir là-bas, de s'asseoir à cet endroit-là ou de se tenir à cet endroit-là pour faire toujours cette chose-là, ça c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam. Parce que de toute façon, peu importe d'où tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala va lui transmettre. D'accord? Ensuite, il y a un autre hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Et c'est pratiquement le même hadith. Toutefois, il y a il y a quelque chose qui est rapporté par un tabi'i au sujet de ce hadith-là. C'est وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي يعني من أبي يعني من الحسين عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني من أين كنتم رواه في المختارة. Donc ici on a une histoire dans laquelle si je ne me trompe pas, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, c'est Ali le fils de Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc lui il était à Médine et il a vu un homme qui allait vers une sorte de fente qui était près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il rentrait par cette fente pour aller faire des du'as. Alors Ali ibn Hussein, il lui a interdit de faire ça, et il lui a dit, est-ce que vous voulez que je vais plutôt vous mentionner un hadith que j'ai entendu de mon père, qu'il l'a entendu de mon grand-père, qu'il rapportait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, ne prenez pas ma tombe comme un Eid, c'est-à-dire comme un lieu de visite continuelle ou un endroit où vous retournez tout le temps. Et ne rendez pas vos maisons comme des tombes. Et envoyez votre salut sur moi parce que votre salam, il m'atteint peu importe où vous êtes. Et ça c'est ce qui a été rapporté par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre. Maintenant on va aller à l'explication du cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là. Le cheikh dit, « وعن علي ابن الحسين أحد أعلام التابعين وهو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه وأبو جدته هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من بيت النبوة وهو يلقب بزين العابدين وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجرة عائشة في حجرة عائشة رضي الله عنها وفي أحد الجدران فرجة أي نقب في الجدار رآه هذا الرجل صار يتردد يأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله نهاه عن ذلك وقال له لا تفعل هذا لا تتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدعو عنده وهذا من إنكار المنكر ولا سيما ما يؤدي إلى الشرك فالتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده من وسائل الشرك به، فيجب إنكاره، فيجب إنكاره، ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه. ثم لم يكتفي بهذا بل بين الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي، يعني الحسين رضي الله عنه، عن جدي يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ قبري عيدا. هذا مثل ما في الحديث، في حديث أبي هريرة السابق. ومعنى اتخاذ القبر عيدا بأن يتردد عليه ويجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith là. Il dit que Ali ibn Hussein ibn Ali c'était un des plus grands parmi les tabi'in. Les tabi'in ce sont les élèves des sahaba. Ok. Et donc lui c'est le petit-fils, ou bien sinon c'est le fils de Hussein. Et Hussein c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima bint al-Rasul, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est le fils de il est le petit-fils de Ali et de Fatima radiyallahu anhuma, et Ali ibn Abi Talib c'est son grand-père, et il est le neveu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est né dans la maison du prophète, hein, Bayt al-Rasul, Bayt al-Nubuwa, et son surnom c'est Zayn al-Abidin. Quand on parle de Zayn al-Abidin, c'est lui. Et c'est un des plus grands parmi les imams des tabi'in, radiyallahu anhu. Il a vu un homme qui venait à une femme qui était dans le mur de la maison de Aïcha. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison où vivait Aïcha, radiyallahu anha. Et dans un des murs de la maison d'Aïcha, il y avait une fissure, où il y avait un trou, ou un espace, et lui, cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par cet espace pour aller près de la tombe. Et il revenait constamment à cet endroit-là. Donc cet homme, quand Ali ibn al-Hussein l'a vu, il lui a interdit de faire ça. Il lui a dit de ne pas le faire. Et il lui a dit de ne pas aller à cet endroit-là pour faire des doigts continuellement. Et ça fait partie de dénoncer, ça fait partie de dénoncer le munkar, et en particulier si c'est quelque chose qui amène au shirk, qui amène à l'idolâtrie et à associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc le fait de retourner constamment à cet endroit-là, ou à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire des doigts auprès de la tombe, ça c'est une des choses qui amène au shirk. Et donc c'est obligatoire de dénoncer et de rejeter ces actions-là. Et c'est ça ce que Ali ibn al-Hussein, rahimahullah, a fait avec cet homme-là. Il l'a interdit de faire cette chose-là. Et non seulement il lui a interdit de le faire, mais il lui a montré la preuve. Il lui a donné la preuve, hein, qui montre que cette chose-là est interdite. Et il lui a dit, hein, je vais te donner un hadith que j'ai entendu de mon père, al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, qu'il a entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prenez pas ma tombe comme un endroit de visite ou de regroupement, ou un endroit où vous revenez constamment pour faire des invocations. C'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un lieu où vous revenez constamment. وهذا مثل ما في حديث أبي هريرة. هذا exactement la même signification expliquer ce qu'on a lu dans le hadith d'Abi Huraira dans les deux derniers cours, c'est-à-dire que c'est interdit de prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un Eid, c'est-à-dire un endroit où on revient régulièrement, et un endroit où on se réunit dans le but de faire des doigts ou de chercher la baraka ou de faire la salat ou d'envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ يقول في هذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه الإنكار على من أتى أو على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعد مفسرا لحديث أبي هريرة ويبين معنى اتخاذه عيدا وأنه يكون في الدعاء عنده والتردد عليهم. Le Cheikh il dit que ça, donc c'est pareil à ce qui est mentionné dans le hadith d'Abi Huraira, excepté qu'il y a un ajout, quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire, et c'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on dénonce cette action-là qui est faite, et on a un exemple de qu'est-ce que certaines personnes avaient fait, et ça explique en même temps la signification du hadith, c'est-à-dire ça explique qu'est-ce que ça veut dire de prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un lieu de, disons, où on revient régulièrement, d'accord, ou de prendre cet endroit-là comme un eid. Donc c'est comme une sorte de tafsir du hadith d'Abi Huraira, et ça explique la signification, et ça veut dire que c'est pas permis d'aller constamment pour faire des doigts à cet endroit-là et de revenir tout le temps à cet endroit-là. ثم قال رواه في المختارة. المختارة كتاب اسمه الأحاديث الجياد المختارة ومؤلفه هو عبد الله بن محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين وهو كالمستدرك. لكنها أحسن من مستدرك الحاكم ويستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين. اوكي on va lire ça après. Le Cheikh il dit que ça c'est rapporté dans le livre qui s'appelle Al-Mukhtara. Et Al-Mukhtara c'est un livre, quand le titre au complet c'est quoi, c'est Al-Hadith Al-Jiyad Al-Mukhtara, c'est-à-dire les hadiths qui sont bons et qui sont choisis. Et l'auteur de ce livre c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali, et c'est un livre qui a été écrit et qui réunit les hadiths qui sont acceptés, qui sont bons et qui sont pas dans al-Sahihayn, ou qui ont des suppléments à ce qui est mentionné dans al-Sahihayn, c'est-à-dire dans al-Bukhari et Muslim. Et donc c'est un peu comme al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, excepté qu'il, le Cheikh il dit que, excepté qu'il est meilleur que la Mustadrak de l'imam Al-Hakim. Al-Mustadrak, c'est, disons, des hadiths qui sont soi-disant ou supposément équivalents en authenticité avec ce qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, mais qui n'ont pas été réunis ou rassemblés dans Al-Sahihayn. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc ça c'est, il y a Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim, et il y a d'autres livres aussi qui s'appellent Al-Mustadrak, qui ont été réunis par d'autres imams. Et donc ce livre-là c'est un petit peu dans ce genre-là. Après le Cheikh dit « وَيُسْتَفَادْ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَمِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوَّلًا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ امْتِنَانَ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة عظيمة. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذه أعظم منة على الخلق لأنه ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة. Donc le premier bienfait qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que Allah a fait une grande faveur et une grâce à cette umma en suscitant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une grande ni'ma, c'est-à-dire une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset qu'on a expliqué au début de ce chapitre. Allah certes a fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a suscité parmi eux un messager venant d'eux-mêmes qui leur récite les versets, qui récite sur eux ces versets, les versets d'Allah, et qui les purifie et qui leur enseigne, et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Donc ça, c'est une des plus grandes faveurs d'Allah pour la création, parce que en ayant suscité le messager et en le suivant, ils sont sortis, en ayant cru en ce messager et en l'ayant suivi, ils sont sortis des ténèbres à la lumière, de la mécréance à la foi et du feu vers le paradis. Donc ça, c'est ce qui a été mentionné comme premier point. المسألة الثانية في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى رسول من أنفسكم. الصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم. الصفة الثالثة حريص عليكم. الصفة الرابعة بالمؤمنين رؤوف. الخامسة رحيم. خمس صفات من صفاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que dans ce verset là il y a cinq descriptions ou cinq caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est Rasulun min anfusikum, un messager qui vient d'entre vous, c'est-à-dire qu'il est arabe, c'est un messager qui est arabe. Deuxièmement, azizun alayhi ma anittum, tout ce qui vous fait de la difficulté ou du mal, ça lui fait du mal à lui aussi. Donc il ressent ce qui nous fait du mal lui aussi, ça le fait souffrir comme ça nous fait souffrir. Donc il a de l'empathie, ou bien il se préoccupe de qu'est-ce qui arrive à la Ummah. Il n'est pas indifférent de qu'est-ce qu'on subit, yani. Donc qu'est-ce qu'on peut vivre comme difficulté. Harisun alaykum, c'est-à-dire que yani, ça le tient à cœur, qu'est-ce qui peut nous atteindre, et donc il a vraiment un désir ardent pour voir que quelque chose de bien nous arrive, et bil mu'minin ra'oufun rahim, il est compatissant envers les croyants et miséricordieux. Donc ça, c'est cinq parmi les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont données dans cette ayah. Okay. Après, il dit المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على أنه قد سد الطريق المفيضة أو المفضية إلى الشرك بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم ويقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما وعلمه من علمه وجهله من جهله والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك. Donc ça c'est le point dans ce troisième point là. Le cheikh il dit qu'il y a dans le verset et dans l'aya et dans le hadith que le cheikh a mentionné, il y a la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes qui peuvent amener les gens au shirk. Et c'est ça, ça fait partie donc, ou c'est ça ce qui est impliqué par les caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Si il est, disons, atteint ou qu'il est, il est compatissant pour les mu'minines et que tout ce qui nous fait du mal, ça lui fait du mal également, eh ben, ça veut dire qu'en réalité, la chose qui peuvent nous faire, la chose qui peut nous nuire le plus, c'est le shirk, et donc c'est normal que, ce qui lui dérange le plus pour sa umma, c'est que sa umma commette des formes de shirk ou tombe dans le shirk, et donc ça fait partie même de sa, de ces caractéristiques-là, qu'il nous ferme, qu'il ferme toutes les portes de ce qui peut nous faire tomber dans ce plus grand péché-là. Et tout ce qui peut nous rapprocher au shirk. Donc, il mentionne comme exemple un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a rien, hein, ma taraktu shay'an, j'ai rien laissé de ce qui peut vous rapprocher d'Allah, excepté que je l'ai clarifié pour vous. Et j'ai rien laissé de ce qui peut vous éloigner d'Allah, excepté que je l'ai clarifié pour vous. Donc, il a tout clarifié. Ce qui peut nous amener à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a clarifié. Et ce qui peut nous éloigner d'Allah, il nous l'a clarifié également. Et ça, là-dedans, il y a une réfutation pour les gens qui veulent faire des bid'ah. Parce que quand ils disent, par exemple, qu'ils inventent des nouvelles adorations, ça veut dire qu'ils prétendent qu'il y a des choses qui nous rapprochent d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas clarifié. Et ça, c'est comme s'ils disent le contraire de ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tout ce qui nous rapproche d'Allah, il nous l'a clarifié. Donc il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut inventer pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout a été clarifié déjà. D'accord? Et il mentionne par la suite une parole qui est attribuée à Abu Dharr, qui est un des grands sahabis, Jundub ibn Abdillah, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et il n'y a pas un oiseau qui vole avec ses ailes, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a mentionné quelque chose, hein, en ce qui concerne cette chose-là, c'est-à-dire en ce qui concerne cet oiseau. Qui vole avec ses ailes. Il nous a mentionné quelque chose qui a rapport avec la connaissance de ce qui a rapport avec cet oiseau-là. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout clarifié. Même des choses qui ont rapport avec un oiseau qui vole dans le ciel, eh bien, il y a quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné pour clarifier cette chose-là. Et il termine en disant « Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ». Ça veut dire que celui qui le sait, il le sait, celui qui ne le sait pas, il ne le sait pas. En voulant dire que il y en a qui le savent, et eux, ils en profitent, et ceux qui ne le savent pas, ben, eux, ils restent dans, c'est-à-dire, ils ne le savent pas, puis c'est tant pis pour eux, en fait. Mais en voulant dire qu'il y en a une science mentionnée, il y a quelque chose de la science dans le Coran et dans la Sunna qui répond à n'importe quelle question dans n'importe quel sujet, et c'est ceux qui le savent qui sont au courant de ça. Et le fait que toi tu l'ignores, si toi par exemple tu l'ignores, ça ne veut pas dire que cette science-là n'existe pas. C'est ça ce que ça veut dire quand il dit « alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ». Et si toi tu ne le sais pas, ça ne veut pas dire que tout le monde l'ignore. Il y en a peut-être d'autres qui le savent, mais toi tu ne le sais pas. Donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est comme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Likulli da'in dawa ». Pour chaque maladie, il y a un remède. Hein? Donc après, des fois, il dit, « Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu ». C'est-à-dire, pour chaque maladie, il y a un remède. Celui qui, il y en a qui ne le connaissent pas, mais il y en a qui le connaissent. Hein? Après, il dit, « Fala yumkin ». Après, il mentionne le verset dans lequel Allah dit « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous ma faveur ou ma grâce. » Donc, c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse les hommes ou abandonne les hommes sans leur clarifier le plus grand danger pour eux, c'est-à-dire le shirk. Hein? C'est complètement absurde. Si on ne peut pas concevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a tout expliqué et tout clarifié, il nous laisse sans nous expliquer la chose qui est la plus dangereuse. et il nous explique les détails de la religion. Il nous a même parlé d'un oiseau qui vole dans le ciel, ou comment aller faire nos besoins, les règles qui ont rapport avec ça, et puis il ne nous parle pas des choses qui sont les plus importantes dans la religion, c'est-à-dire le tawhid et le shirk. Hein, ça c'est bien entendu une grave accusation, celui qui prétend faire une chose pareille. Ensuite, le cheikh dit, المسألة الرابعة, حديث أبي هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت, بيوت المسلمين, وعمارتها بالعبادة, وإبعاد وسائل الشر عنها, وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان أكثر من غيره. Le cheikh dit, le quatrième point, le hadith d'Abu Huraira, il nous incite ou il nous montre également l'obligation pour nous d'avoir un grand intérêt et une préoccupation pour la maison des musulmans, c'est-à-dire notre maison, de remplir nos maisons de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éloigner toutes les choses, les moyens négatifs qui peuvent influencer négativement les gens qui habitent dans cette maison-là, et les éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un point très très important, et donc c'est obligatoire pour nous de prendre ça en considération, et en particulier à notre époque, parce que les causes d'égarement et de mal sont beaucoup plus grandes aujourd'hui qu'à l'époque, qu'avant. Ok, et donc les gens qui fréquentent les mosquées, les gens qui prient régulièrement à la mosquée, ils doivent essayer de faire des nawafil à la maison, et ils doivent essayer de lire le Coran aussi à la maison avec la famille, pour remplir la maison de ibadah et de zikr, pour pas qu'elles deviennent comme des tombes, comme on avait expliqué hier. Et si c'est le cas des musulmans qui vont à la mosquée, qui prient, qui pratiquent l'islam, eh bien imaginez ceux qui viennent jamais à la mosquée, puis qui s'éloignent des musulmans, puis qui vivent loin, eux c'est grave aussi donc. Des fois on est allé dans des maisons, chez il y a des gens qui avaient des problèmes, ils nous ont appelés pour aller consulter, il y avait des problèmes avec les enfants, qui soi-disant des problèmes de drogue, des choses comme ça. Puis ils nous ont amenés pour qu'on parle avec les enfants, pour leur donner un rappel et des conseils et tout ça. Et bien quand on est arrivé, subhanallah, c'est des musulmans, ils habitent très très loin à Laval. Tous les gens qui habitent dans le quartier là-bas, la plupart c'est pas des musulmans. Donc quand on observe ces choses-là, je pense que Mukhtar était avec moi ce jour-là, quand on pense à ça, on se dit, mais subhanallah, si c'est des choses comme ça, si c'est des réalités comme ça, les gens ils s'éloignent des musulmans, ils s'en vont dans des quartiers où il y a pas de mosquée et il y a pas de musulmans, puis après ça leurs enfants tombent dans la drogue, et puis après ils demandent comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis donc c'est des exemples. Le cheikh il dit, al-mas'alatul khamisa, فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها, من مفهوم حديث أبي هريرة, فدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها ولا للدعاء ولا للعبادة يرحمك الله, وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين فإذا كان نافلة, وإما أن يكون في بيوت الله المساجد إذا كانت ou « izakana farida ». Le cheikh il dit que, comme cinquième point, il dit que dans ce hadith, on peut comprendre qu'il n'est pas permis de faire des adorations dans les cimetières où il y a des tombes. Ça, on comprend ça par le hadith d'Abi Huraira. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « la taj'alou buyutakum qubura ». Ne faites pas vos maisons devenir comme des cimetières ou comme des tombes. Et donc ça implique que dans les tombes on ne prie pas et on ne jeûne pas et on ne prie pas puis on ne fait pas des zikr et on ne fait pas des ibadat dans ces lieux-là. Donc ça implique que dans les maisons on doit faire des ibadat. Tous les nawafil, comme j'ai dit tout à l'heure, les du'a et les ibadat, lire le Coran, on peut faire ça si c'est des choses recommandées, supplémentaires, on peut les faire à la maison. Tandis que le wajib, le fariba, on l'a fait à la mosquée. Hein? Aujourd'hui, comme je disais hier, les musulmans, ils prient à la mosquée le wajib, le fariba, et le nafila, ils la font à la mosquée. Quand ils rentrent à la maison, ils ne font pas de nawafil en général. Et ça, c'est contraire à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le fariba à la maison, à la mosquée, puis il faisait le nafila à la maison. Et ça, c'est une sunna qui est oubliée par beaucoup de monde. Hein? Donc, c'est bien de faire revivre cette sunna. Surtout pour ceux qui habitent à proximité de la mosquée. Quand ils viennent prier, quand ils retournent chez eux, c'est deux rakats, des choses comme ça. Après, il dit, Al-mas'alatu sadisa, fi hadith Abi Huraira, Al-nahyu an al-taraddudi ala qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. والقيام أو الجلوس عنده والدعاء والصلاة عنده لأن هذا من اتخاذه عيدا فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الزيك aussi, on peut comprendre dans le hadith d'Abi Huraira qu'il n'est pas permis de retourner régulièrement à la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم, de s'asseoir là-bas ou de se tenir là-bas pour faire des du'as ou faire la salat à cet endroit-là, parce que ça fait partie de prendre la tombe comme un Eid, c'est-à-dire un endroit où on revient tout le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Al-mas'alatu sabi'a fi hadithi Abi Huraira anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam sadda al-tariq al-mufliya ila al-shirk binahyihi an ittikhadhi qabrihi Eidan lianna hadha min wasa'il al-shirk wa min al-turuq al-musilati ila al-shirk. Sixièmement, le cheikh dit qu'il y a une preuve dans le hadith d'Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes les portes à ce qui amène au shirk en interdisant de prendre sa tombe comme un lieu de visite régulière, et que ça fait partie des choses qui amènent au shirk et qui fait partie des voies qui amènent au shirk. Al-mas'alatu thamina fi hadith Abi Huraira mashru'iyatu s-salati alayhi fi ayyi makan. C'est-à-dire que, comme huitième point, le hadith d'Abi Huraira nous montre qu'il est permis d'envoyer la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'importe quel endroit. Ok? De n'importe quel endroit où on est. Et on voit ici, mashallah, comment le cheikh il extrait les bienfaits ou les fawa'id des hadiths. Et ça, c'est la méthode des ulama d'Ahlul Hadith. Les ulama de hadith. Il mentionne les preuves. Puis après, ils extraient de ces textes les différentes preuves ou les différents arguments qui peuvent être utilisés par rapport à ces textes-là. Donc ça, c'est une méthode vraiment bénéfique, parce qu'elle est basée sur les preuves. Après, le cheikh, il dit « Al-mas'alatu al-tasi'a » في الحديث النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليه لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذه عيدا ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم كلما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه أو ليصلوا عليه أبدا وإنما يفعلون هذا إذا جاءوا من سفر فقط لأنك إذا أكثرت التردد عليه صار من اتخاذه عيدا. Le Cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans ce hadith de revenir constamment à sa tombe dans le but d'envoyer la paix et le salut sur lui, parce que ça c'est un des moyens qui amène au shirk, et ça fait partie de prendre sa tombe comme un lieu de visite régulière. Et c'est pour ça que les Sahaba, ils n'allaient pas tout le temps envoyer le salam et envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il rentrait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils faisaient ça uniquement quand ils revenaient d'un voyage. Hein, quand ils revenaient d'un voyage, ils allaient et ils faisaient le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après, il ne le faisait plus par la suite, jusqu'à il revenait d'un voyage. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné selon Ibn Omar, radiallahu anhu. radiallahu anhuma. Et donc ça c'est un exemple qui montre que si tu vas régulièrement à la tombe, ça devient une forme de Eid, okay, et ça c'est pas permis. مسألة العاشرة المسألة العاشرة في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذا بل نهاه عن ذلك وحذره من ذلك وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة. الشيخ المذكى دار حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فتوسي رحمه الله parce que c'est un tabi'i. Il dit que c'est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal et d'enseigner à l'ignorant. Lorsque ce tabi'i a vu cet homme, l'homme qui allait dans le, par l'espace ou par la fente qui était dans les murs de la maison de Aïcha radiallahu anha, il passait par là pour aller à la tombe, et quand il a vu faire ça et qu'il a, il a vu que c'était un moyen qui amène au shirk ou quelque chose qui amène au shirk, il ne s'est pas, il n'a pas gardé le silence, au contraire il l'a interdit de faire ça et il l'a averti, et il y a donc dans ça beaucoup de bien et une grande baraka pour la Ummah. Donc ça montre que ça fait partie de l'islam d'interdire le mal, si tu vois quelqu'un qui fait du mal, que ce soit une bid'a ou quelque chose de haram ou quelque chose qui amène au shirk, tu dois l'interdire. Tu ne dois pas rester silencieux ou te taire devant ces choses-là. المسألة الحادية عشر في الحديث دليل على أن من أنكر شيئا أو أمر بشيء فإنه يطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الحجة ومن أجل معرفة الحق بدليله، وهذا منهج من مناهج الدعوة أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف. الشيخ الفيسي comme onzième point, dans le hadith il y a la preuve, dans le hadith d'Ali ibn al-Hussein, il y a la preuve que lorsque tu veux interdire à quelqu'un de faire quelque chose, ou ordonner à quelqu'un de faire quelque chose qu'il doit faire, فإنه يطالب بالدليل. On demande à cette personne qui ordonne ou qui interdit d'amener la preuve de ce qu'il prétend. Le fait que la personne demande la preuve, ça c'est, comme le cheikh il dit, c'est quelque chose qui aide à, disons, convaincre la personne à qui tu t'adresses, comme on a vu dans le hadith de Ali ibn Hussein. Il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour établir la preuve contre cette personne-là, et pour que la personne connaisse la vérité avec la preuve. Et ça c'est le manhaj, ou une des méthodes, parmi les méthodes de da'wah, que la personne qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur donne quelque chose ou qu'il interdit quelque chose, il mentionne la preuve pour clarifier aux gens, hein, et pour qu'ils soient convaincus, et pour établir la preuve contre ceux qui ne sont pas d'accord. D'accord ? Ça c'est très important, parce que des fois si tu dis à quelqu'un « fais pas ça », puis tu dis pas à la personne la preuve, peut-être que la personne ne va pas comprendre ou ne va pas être convaincue. Mais quand tu lui donnes la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une ayah dans le Coran, ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une ijma', et bien peut-être que là la personne elle va être plus convaincue, et puis ça va être une, tu auras établi la preuve contre cette personne. Donc, des fois, il y a des gens qui pensent que, par exemple, si tu ordonnes à quelqu'un le bien ou que tu interdis à quelqu'un le mal et que la personne n'accepte pas qu'est-ce que tu lui dis avec la preuve, que c'est comme si tu as perdu ton temps, ou bien que ça sert à rien. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une mauvaise compréhension. Parce que même si la personne n'a pas accepté qu'est-ce que tu lui as dit, mais toi, tu as fait ton devoir, tu as établi la preuve contre cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est déjà un grand bienfait. Et puis, Dieu seul sait peut-être dans l'avenir, la personne va accepter. المسألة الثانية الثانية عشرة في عموم الآية والحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المفضية إلى الشرك وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. Il y a dans, comme douzième point dans le sens général du verset et des deux hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم a fermé toutes les voies qui amène au shirk. Et c'est ça le but de ce chapitre. المسألة الثالثة عشرة في الحديثين دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض. وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه لأن هذا يبلغه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وفي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ألفت كتب منها أو من أحسنها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم الجوزية، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع حيث جمع فيه الأدلة وفقهها وما تدل عليه وبسط الكلام في هذا. أما الكتب التي ألفت في الصلاة عليه والتبرك به والتوسل به مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتاب الخرافيين فهذه يجب الحذر منها. وإن سموها كتاب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيات الشيء الكثير والعياذ بالله. وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية أيضا وهي من الأمور المحدثة وفيها غلو في حق الرسول في حقه صلى الله عليه وسلم وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمن من الدس الذي في الكتب الأخرى. Donc ici le cheikh il dit que comme 13e point c'est le dernier il y a que dans ces deux hadiths qu'on a mentionnés il y a la preuve que quelqu'un lorsqu'il envoie la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ben elle va lui être transmise peu importe où il est sur la terre. Et donc ça incite les musulmans à dire plus à dire plusieurs fois ou à dire beaucoup ou d'envoyer beaucoup de salat wa salam à la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parce que ça va lui être transmis. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui envoie salat wa salam alayhi sur moi une seule fois Allah va le faire sur lui 10 fois. Et donc le cheikh il dit qu'il y a des bons livres qui ont été écrits à ce sujet-là, dont un livre qui est écrit par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Jala'ul Afham fi Salati wa Salami ala Khair al-Anam. Et ça c'est un des très bons livres qui a été écrit à ce sujet-là. Le cheikh il a ramassé dans ce livre-là, ou réuni dans ce livre-là, toutes les preuves à ce sujet et la compréhension de ces preuves-là. Et qu'est-ce que ces preuves-là amènent ou qu'est-ce que ces textes amènent comme preuves. Et donc, il a parlé de ces choses-là en détail. Et il dit, il y a d'autres livres qui sont écrits à ce sujet-là, et qui appellent les gens à chercher la baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de chercher at-tawassul, hein, ou des choses de ce genre. Mais il dit, comme par exemple le livre qui s'appelle Dala'il al-Khayrat, ou le livre, ou d'autres livres qui sont écrits par des gens de bid'a, des gens de dalal, et donc ces livres-là, il faut plutôt s'en éloigner, parce qu'il y a beaucoup de livres comme ça, en particulier chez les soufis, qui ramassent toutes sortes de choses fausses à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui exagèrent dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui demandent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la dunya et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des livres qui amènent au shirk, qu'il faut faire attention. Subhanallah. Oui, comme le fait, il dit qu'il a entendu une soufi qui a dit que tu peux juste dire sallallahu alayhi wa sallam une seule fois, puis ça suffit dans ta vie. Après, c'est des exagérations. Donc, le cheikh dit donc ces livres-là qui sont écrits par les soufis, il faut faire attention. Et en particulier, un des moyens de reconnaître ces livres-là, c'est parce que souvent il n'y a pas de référence. Voilà, c'est juste des paroles que leur cheikh a écrit ou quelqu'un a écrit, puis il n'y a jamais de mention de référence, de hadith, le hadith sahih, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention dans ces livres-là. Et il mentionne également un doua qui est enseigné par une des turqs parmi les sectes soufis, qu'on appelle At-Tijaniya. Et cette tariqa, ils ont une prière qu'ils appellent Salatul Fatih. Lima Urliq. Al-Fatih ou Lima Urliq. Et cette salat-là, ils disent que celui qui la récite, ça vaut 6000 fois la lecture du Coran. Oui, 6000 fois la lecture du Coran. Donc ces gens-là, ils disent que c'est plus fort que la ilaha illallah. Donc ils ont beaucoup de bid'a comme ça. Ils soufient comme dans leur zikr, ils disent, par exemple, celui qui dit la ilaha illallah, ça c'est le zikr des gens ordinaires parmi les musulmans. Celui qui dit Allah seulement, il rappelle juste le nom d'Allah, Allah, Allah, Allah, comme ça, ça c'est le zikr des gens particuliers. Puis le zikr de celui qui dit hu, hu, hu, hu, ça c'est le zikr de l'élite parmi les gens particuliers. Donc, ça c'est vraiment grave, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le meilleur zikr, c'est de dire la ilaha illallah. Donc, ça veut dire que pour eux, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le zikr des gens ordinaires. Tandis que les gens particuliers, eux, ils disent pas la ilaha illallah, ils disent juste Allah. Et les gens qui sont les élites parmi eux, ils disent « Hu ». Hein. Donc ça c'est l'égarement. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah les soufis, il y a des bons soufis, eux ils font beaucoup de dhikr ». Oui, mais quel dhikr de s'asseoir puis de répéter « Hu, hu, hu » pendant mille fois comme ça. Est-ce que ça c'est un dhikr? Est-ce que ça c'est le prophète Hassan qui a enseigné ça? Ou les sahabas? Et comme Cheikh Mohamed Aman il dit, n'am, hum al-khawas, walakin al-khawas al-shaytan. Khawas al-shaytan. Khawas al-shayatin. C'est-à-dire, c'est les gens particuliers, les élites du shaytan. Les élites du diable. Ah oui. Dahu Allah Mustaan. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, who, il veut lever comme who en arabe, c'est lui, hein, who, la troisième personne du singulier. Donc, Allah Musta'an, donc c'est ça les idées de ces gens-là, ils sont un peu bizarres, là, avec leur aqida harifa, mais bon. On a parlé de ça déjà. On va commencer le chapitre 23, puis, on va juste expliquer le début, puis on continuera la semaine prochaine pour le reste, inchallah. الباب الثالث والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الشيخ يقول dans ce chapitre, on parle de qu'est-ce qui a été rapporté, du fait que certains des gens de cette Umma vont adorer les idoles. Et il mentionne le verset dans Surat. C'est quelle Surat Al-Antara? On va pas mentionner le numéro. Je pense que c'est. En tout cas, il n'a pas mentionné le numéro. Bon, en tout cas, ce verset-là, qu'est-ce que ça signifie? N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre, ils croient en Al-Jibt et Al-Tahout. Ok, Al-Jibt, ça a été expliqué par différents termes. La magie, les sorciers, le kufr, en tout cas le shirk et d'autres choses aussi. Et Al-Tahout, c'est aussi expliqué par différentes choses comme le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, etc. Donc on va pas l'expliquer ça en détail, mais on va expliquer on va aller à l'explication du titre en premier. Le cheikh il dit qawluhu rahimahullah babun ma jaa ay min al adillati fil kitab wa sunnah anna ba'd hadhihi al umma ya'ni wa laysa kulluha fal umma la tajtami'u ala dalala ولله الحمد بل يبقى فيها من يثبت على الحق قال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فهذه الأمة لا تضل كلها وإنما يضل الكثير ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة فهذا من فضل الله ورحمته. Le cheikh il dit que dans ce chapitre l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah il ramène ce qui a été mentionné de preuve du Coran et de la Sunna qui montre que dans cette Umma il y a une partie et non pas toute la Umma, mais une partie dans la Umma, parce que notre Umma ne peut pas se réunir et se mettre d'accord sur l'égarement. Donc ça veut dire que peu importe combien de musulmans s'égarent du droit chemin, il faut qu'il y en ait toujours une partie de cette Umma qui reste sur la guidance. Peu importe l'époque, peu importe l'endroit. Il y en aura toujours une partie des musulmans qui vont être sur le vrai islam et sur le haq, même s'il y a une grande majorité ou beaucoup de musulmans qui vont suivre l'égarement, qui vont s'égarer, qui vont suivre des sectes, des déviations, qui vont faire du shirk, ou qui vont faire du kufr, ou qui vont faire des bid'ah, ou qui vont faire des choses qui sont haram, mais il y aura toujours une partie de la Ummah qui vont s'accrocher à l'islam fermement et qui vont avoir la même aqidah que les sahaba et les tabi'in et qui vont suivre le même manhaj, la même méthodologie que jusqu'au jugement dernier. Donc ça, c'est quelque chose de confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura toujours un groupe qui va être sur le haq. Et donc ça devrait nous inciter, peu importe où on est, à chercher ces gens-là et à s'accrocher et à rester avec eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des musulmans qui vont s'égarer, mais il y en a qui vont, il y aura toujours un groupe qui sont sur le haq. Donc cherchez ce groupe-là et accrochez-vous à la vérité avec eux. Et vous pouvez les reconnaître par les descriptions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'eux, que ce sont ceux qui suivent le Coran, qui suivent la Sunna et qui s'accrochent à la Sunna, hein, et qui suivent l'exemple des Sahaba, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits d'une façon claire. Donc quand si tu les cherches vraiment, tu vas les reconnaître. Ce sont ceux qui s'accrochent le plus fermement au Coran et à la Sunna, hein. Et ce sont ceux qui sont les plus critiqués en général de la part des gens. Donc si tu les cherches vraiment, tu vas les trouver. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours une partie de ma umma qui va être sur la vérité. Hein? Une partie de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui vont s'éloigner d'eux ne vont pas leur nuire en eux. Ceux qui vont s'éloigner ou qui vont les abandonner, hein, ceux qui vont les s'opposer à eux ou qui vont les abandonner ne vont pas leur nuire d'aucune façon. Ils ne pourront pas leur nuire parce qu'ils sont sur le haqq. Donc peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de faire contre eux, ça ne va rien leur faire de mal parce que toi tu es sur le haqq. Ton ennemi ou celui qui s'oppose à toi, peu importe qu'est-ce qu'il essaie de te faire de mal, soit qu'il essaie de s'opposer à toi, soit il t'abandonne, il te laisse tomber. Au moment où tu as besoin de lui, il ne fait du mal qu'à lui-même, en réalité. Parce que toi, tu es sur la vérité. Donc, peu importe ce qui t'arrive comme conclusion, comme conséquence du fait que tu t'accroches à la vérité, tu vas toujours être victorieux. Et tu es toujours sur le droit chemin. Et c'est ça la meilleure assurance que quelqu'un peut avoir. Si vous cherchez une assurance, cherchez l'assurance de suivre la vérité. Hein? Parce que peu importe qu'est-ce qui vous arrive dans cette dunya, si vous êtes sur le haqq, vous êtes, inshallah, victorieux. Supportez. Exactement. Au début. Hein, tu vois, oui, ça c'est un exemple. Comme à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab, au début, le cheikh est allé dans une ville de, je crois que c'était Dar'iyya. Hein, et puis il y avait un des émirs de cette région-là qui au début avait accepté de supporter le cheikh dans sa da'wah. Hein, et donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a demandé à l'amir d'aller détruire la tombe ou la Qubba, le dôme qui était construit sur la tombe d'un des Sahaba. Ça c'était Zayd ibn al-Harith ou Zayd ibn al-Arqam ou quelque chose comme ça. Puis l'émir il l'a fait. Par la suite, il y a une femme qui avait fait le zina et elle est venue voir le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et elle lui a demandé d'appliquer sur elle la punition de l'islam pour quelqu'un qui fait le zina, c'est-à-dire la lapidation. Et le cheikh, yani, il lui a demandé yani, pour voir si elle était en bonne santé mentale, pour voir si elle n'était pas folle. Il lui a dit, est-ce que tu yani, as toute ta raison et tout. Et la femme a dit, oui, j'ai toute ma raison, puis je veux me purifier, je veux que tu appliques sur moi la punition pour Ezdina. Donc le chef, il a donc appliqué sur elle, il a fait appliquer sur elle, par l'ordre, sous l'ordre de l'amir, la punition de Ar-Rajum, lapidation pour cette femme. Et à partir de ce moment-là, là il y a eu d'autres amirs, des umaras de d'autres régions, comme l'amir de Al-Ahsa et d'autres places, qui ont entendu parler de qu'est-ce qui s'était produit et qui commençait à critiquer grandement le cheikh Muhammad Abdul Wahhab. Et donc l'amir de Dar'iyya, il a reçu un message de l'amir de Al-Ahsa qui lui disait de chasser le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab et il lui disait que s'il ne le chassait pas, il allait lui couper les vives et disons le support économique et matériel qu'il lui donnait. Donc l'émir de Dar'iyya, il est allé voir le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et lui a dit, écoute, si je te garde ici, ils vont me couper les vivres, ils vont me couper l'argent et tout, donc j'ai pas d'autre choix, je dois te demander de quitter. Et le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lui a dit, si tu mets ta confiance en Allah, tu n'auras plus besoin de sa subvention ou son argent et tout. Mais il n'a pas été ferme, donc il a demandé au cheikh de s'en aller. Donc le cheikh est parti, il est allé vers une autre région où il y avait l'amir Mohammed ibn Saoud, oui c'est ça, et il a demandé, donc là l'amir Mohammed bin Saoud a accepté de supporter la da'wa du Cheikh, et par la suite, il a pris le contrôle de toutes les régions par la suite, en répandant cette da'wa, et même celle de celui qui avait refusé de, ou a cessé ou chassé le Cheikh, eh bien, il est devenu lui aussi une des régions qui était contrôlée par l'amir Mohammed ibn Saoud. Donc, c'est juste pour vous montrer que celui qui reste sur la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va le supporter. Soit qu'il va lui donner la victoire dans cette dunya, ou bien soit que, yani, il va avoir la récompense de qu'est-ce qu'il a fait, pour qu'est-ce qu'il a fait dans l'akhira. Mais dans tout, des deux côtés, il est gagnant des deux sens, hein, il est victorieux des deux sens. Donc c'est pour ça. Et donc le cheikh il dit que cette umma, elle va pas s'égarer tout en entier. Il y en a beaucoup qui vont s'égarer ou qui s'égarent, mais il y a toujours une partie qui reste ferme sur la vérité, hein, jusqu'au jugement dernier. Et ça, ça fait partie des grâces et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les vrais mu'minines, ceux qui ont vraiment foi en Allah, qui ont vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui savent que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand, hein, qu'il est au-dessus de toutes les créatures, et que c'est lui réellement qui contrôle tout dans cet univers, eux, peu importe qu'est-ce qui se passe autour d'eux, ils ne changent pas leur position, et ils ne changent pas la réalité de qu'est-ce qu'ils suivent de la vérité pour plaire ou par crainte des gens ou pour plaire aux gens. Il explique la vérité telle qu'elle est et il appelle les gens à la vérité telle qu'elle est, même si, disons, les ennemis sont autour et que les gens sont contre la vérité et qu'ils essaient de nous faire peur ou des choses de ce genre. Non, on reste ferme et on dit ce que Dieu a dit et ce que le messager a dit. الشيخ ابن رشيد ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة وهذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام بخلاف الذين يكفرون عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين يعبد الأوثان أي يشرك بالله Azzawajal. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné que certains, hein, de cette umma, et le cheikh il dit que ça fait partie où ça montre la compréhension vraiment comment je pourrais dire, comment il avait un fiqh, une compréhension vraiment précise de la religion. Il ne s'est pas précipité dans les règles de la charia, hein, contrairement à certains auteurs contemporains qui ont déclaré la Oumma en entier comme étant égarée ou comme étant des koufars, hein. Donc le cheikh lui, cheikh Mohammed Abou Wahab, il n'a pas dit la Oumma au complet va être égarée ou des choses comme ça, mais il a dit certains de cette Oumma, ou certains parmi cette Oumma. Contrairement à Sayyid Qutb, par exemple, qui a déclaré que toute la Oumma en entier actuellement est dans la Jahiliya et qu'elle est égarée complètement et qu'il ne reste plus aucune manifestation de l'islam actuellement dans le monde, qu'il n'y a aucun exemple de l'islam ou des choses de ce genre dans ce monde actuellement. Donc ça, c'est des exemples de takfir de la part de Sayyid Qutb. Et vous pouvez trouver ça dans ses livres, dans son tafsir, fil dilal al-Qur'an, où il fait le takfir de la Oumma en entier. Après, il dit, « Wa ya'budu al-awthan », c'est-à-dire qu'il y a certains dans la Oumma qui vont adorer les idoles, hein, comme ceux qui adorent les tombes, par exemple. Cheikh, il dit, « Ay yushriku billahi azza wa jal, wal-awthan kama sabak, jam'u wasan, wal-muradu bihi kul ma'ubida min dunillah, من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس كله يسمى وثنا فالوثن كل ما عبد من دون الله مأخوذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه وقصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، وهم عباد القبور الذين يقولون هذا الذي نعمله ليس بالشرك، لأن هذه الأمة لا تقع فيها شرك، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. الشيخ الزي qu'il y a une partie de la Ummah qui va adorer des idoles, et il explique ce que signifie une idole en arabe. Le mot watan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les idoles. En fait, watan, c'est différent du mot sonam. Sonam, c'est qu'est-ce qui a une forme humaine ou animale. Watan, c'est plus général, ça inclut tout. Ça peut être un arbre, ça peut être une roche, ça peut être une tombe, ça peut être un djinn ou un être humain. Donc c'est beaucoup plus large que le mot sonam. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en réalité, on peut l'appeler un wasan. Ça vient de wasana, ça veut dire wasana bil makan, c'est-à-dire quelque chose qui est resté à un endroit. On l'appelle ça vient de ce verbe-là, wasana bil makan, c'est-à-dire rester à un endroit et être fixé ou ferme à un endroit. Comme on peut dire, mais là il explique plus le terme linguistique. Et le cheikh dit wa qasd al-shaykh rahimahullah min hadhihi at-tarjama, le but, pourquoi le cheikh a mentionné ce chapitre, pourquoi il a écrit ce chapitre, c'est parce qu'il y a certains parmi les gens qui adorent les tombes dans la Ummah qui disent que ce qu'ils font c'est pas du shirk, et ils disent que c'est pas possible qu'il y ait du shirk dans la Ummah. Ils disent ça se peut pas, il n'y en a pas, ça pas qu'il y ait du shirk du tout. On est la dernière Ummah, on est soi-disant, selon eux, c'est impossible qu'il y ait des musulmans qui fassent du shirk et de l'idolâtrie. Et ils disent que ce qu'ils font, c'est pas du shirk, c'est juste de chercher à se rapprocher à Allah par les hommes pieux, ou parce qu'ils aiment les hommes pieux, ils montrent leur amour pour eux, et ce genre d'excuses qu'ils essaient de mentionner. الشيخ دي وهذه مقالة المشركين الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ويعرفون معناه ويغالطون ويكابرون تبعا لهواهم. donc le cheikh dit que ça, ce qu'ils prétendent, c'est la même chose que ce que les premiers mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam prétendaient eux aussi. Ils disaient qu'ils n'adoraient leurs idoles que pour se rapprocher d'Allah un peu plus, comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils mentionnent le verset dans Sourate Yunus, le verset 18, et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent « ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Donc c'était ça leur excuse, la même chose que les mouchriquins d'aujourd'hui qui adorent les tombes, ils utilisent cette excuse-là eux aussi. Et donc le cheikh il dit qu'ils lisent le Coran mais ils ne le comprennent pas. Et des fois ils savent, ils comprennent, mais ils préfèrent s'enfler d'orgueil et suivre leur passion. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, puis la semaine prochaine on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui a été mentionné comme preuve dans ce chapitre, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi. Wa iyyakum.